fois par jour, je te prends, je te retourne. Moi j'ai plus de batterie là. C'est quoi le tempo de... Sinon, je peux prendre la guitare électrique. Tablature est là, je voulais envoyer déjà. Ouais, c'est ça. Mes trois nuits par semaine, mon Dieu, qu'elle est belle. Mais c'est, il les connaît, hein. Open projet.